Bonjour, nous sommes à la radio Game Ozo, donc nous sommes les ados. Merci Timothée. Tu veux ajouter autre chose? Non. Non? Eh bien, comme chaque mercredi, donc il est 10h et l'IME de Saint-Amé anime une émission pour une durée de combien de temps? 10 minutes. 10 minutes, ok. 10 minutes. Ah, 12 minutes. Eh bien, on va faire rapide alors, hein, c'est 12 minutes. Rapidos. Combien de temps dure l'émission? Un quart d'heure. Un quart d'heure. Qui dit mieux? Deux quarts d'heure. Deux quarts d'heure, ça fait une demi-heure. 3 heures. 3 heures. Hein, c'est un peu moins quand même. On n'est pas là de 10h à 11h? Si. Alors ça fait combien de temps? Une minute. 10 minutes. On n'arrive en pas. On n'arrive en pas. 70 minutes. Ah, ça c'est un peu trop. C'est minutes. Presque ça. Hein. 15. De 10h à 11h, ça fait combien de temps? 10. 9. Une quoi? Une minute. Une minute. 9 minutes. Pas, oui. Non. Entre 10 et 11, il y a 1. Alors c'est quoi? Un an. Un an. On va rester un an à la radio, ok? Non. Non, 2 ans. 1 heure. 1 heure, c'est pas beaucoup. C'est 1 heure. Ah, c'est pas beaucoup. Et 1 heure, c'est 60 minutes. Non, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Ah oui, ça passe vite, hein. Hein? Mmh. Alors, qui est absent aujourd'hui? Nathan. Voilà. Il est parti au zoo avec sa sœur. Voilà, Nathan est un vénard, il est au zoo d'Amnéville. En train de manger des glaces. Donc on peut lui souhaiter une bonne journée. Bonne journée Nathan. Bonne journée Nathan. C'est pas bonne la peine journée, de hurler Nathan. Dans journée, les micros. Nathan. Hein, bien Nathan. Oui, voilà, bon. Alors, quand on a préparé lundi, de quoi et on a parlé? Un regard foot. Plein d'animaux, hein. Oui, oui. Foot. Oui. Le foot, qui dit Christophe. Foot. Alors, qu'est-ce que tu nous as dit par rapport au foot? La Coupe du Monde, elle commence jeudi. Vas-y, on t'écoute. C'est ça, Marc, faudra nous aider, hein, parce que moi... Oui, c'est jeudi, alors... La Coupe du Monde. La match jeudi entre... je sais plus... Il y a la Russie. Et l'Irlandie. La quoi? L'Irlandie, c'est plus le nom, là. Irlandais. Ouais, c'est ça que tu dis? Parce qu'ils jouent à toute équipe là, je sais plus là. La France? Non, pas France. Je sais plus, c'était un match, ils avaient dit jeudi. Ouais, bon, il y a la Russie. L'Argentine. Mais alors, les Français, ils jouent l'Argentine. Samedi. C'est l'Argentine, toi tu dis que c'est les Russes avec l'Argentine? C'est ça que non. Tu dis? Ah, bon. Les Français avec l'Argentine. Les Français vont jouer contre l'Argentine. C'est ça, Marc? Corinne. Il joue samedi, la France. Ouais. Ah. Et... À midi. Moi, je vois... France-Allemagne, c'est possible, ça? Non, voilà. Premier match samedi, 16. France-Australie. C'est ça? Oui. Ouais. Premier match samedi. À midi. Ce soir. Match amical. Ce soir. À midi. Un match de foot, c'est ce soir. À midi. Le soir. Chut. Christophe, Juliana. Alors, Corinne, dis-nous, c'est à midi ou le soir? J'ai pas l'heure. Mais apparemment, c'est samedi 16, France-Australie. À quelle heure? Et à votre avis, qui c'est qui va gagner? La France. La France. La France. Il marque deux buts. C'est France. La France qui va gagner? Oui. Est-ce que l'Australie... Ouais, parce qu'ils sont trop forts, la France. Ouais, les Australiens, ils sont pas forts. Faut si, nul. Ça dépend, il y en a qui sont un peu forts. Ils sont doués au... Ils sont doués à certains trucs, mais ils passent. En rugby? Ah oui, oui, mais les Australiens, on va les mettre direct dans les toilettes. Hein. Non, ouais, on va les faire investir. Tu crois ça, toi, hein? Ouais. Hein. Alors, il y a eu qui c'est qui a parlé d'un match amical France-États-Unis. C'est déjà fini. Oui, et le résultat c'était égalité. Égalité. 1-1. Match nul. Ouais. 1-1 partout. Match nul. Alors les Français, ils sont où là, les joueurs? En Russie. Ils sont arrivés en Russie? Oui. Ouais, alors qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils s'entraînent. Ils s'entraînent pour jouer au foot. Samedi. Ah bah oui, ils s'entraînent. Ils font des pompes. Ils font des pompes. Ils se mettent des kilos. Ils lèvent des kilos, oui. C'est ça l'entraînement des footballeurs? Ils font des pompes et ils soulèvent des poids? Non, ils font... En fait, ils jouent au foot. Ils doivent mettre des buts pour s'entraîner. Ouais, ils jouent aussi. Alors Christopher, il avait dit, ils font la fête. Mais non. Ils vont au bistrot. Ils boivent un coup. Mais maintenant, il fait pas de la fête. Ils fument. Est-ce que vous avez vu, si vous avez regardé la télévision, là où ils sont? En Russie. Oui, ils sont en Russie, mais où? En Russie. Maman, tu fous un stade. Le stade de la France. Non, mais où est-ce qu'ils dorment? Où est-ce qu'ils sont hébergés? Une maison. Ah bah oui, c'est une maison, c'est pas une tente, hein, oui. Un hôtel. Oui, oui. En Russie. C'est en Russie, oui. En Russie, alors? Oui. Mais ils sont en pleine forêt. Oui. L'hôtel, il est en pleine forêt. Pourquoi en forêt? Bah, pour qu'ils soient tranquilles, au calme. Et si j'ai bien entendu, ils sont à 60 km du centre de Russie. C'est loin. C'est long. C'est loin. Ouais, mais au moins ils sont tranquilles. Ils ont pas de bruit. Pas de voiture. Pas de journaliste. Ils nous entendent. Peut-être un peu quand même. Ils nous entendent. Ah, je sais pas. On va demander à Marc, mais je crois pas. Non, je crois pas. Mais bon, avec Internet, tout est possible. Voilà, par Internet. Ah ouais, t'as dit. Ils sont en train de dire ouais, on parle de nous. Et puis alors, vous croyez qu'ils s'entraînent tous les jours? Moi, oui. Oui. Oui. Ouais. Et puis, est-ce que vous pensez qu'ils sont assez en forme là pour la... Oui. Oui. Après, ils ont un temps de pause, ils jouent à la PlayStation. Ils jouent à la PlayStation? Bah oui. Bon, oui, ils peuvent jouer aussi, hein, oui. Ils jouent à 15 types. Mais par contre, je pense pas qu'ils fassent la fête, hein, Christopher. Hein. Ils vont au bistrot. Oh non. J'imagine s'ils viennent, ils sont bourrés. On dit pas des mots comme ça. Pardon, on dit comment? Sous? Bah oui, ivre, ou je sais pas, mais bon. Ivre. T'imagines, ils viennent ivre au stade de foot? Ah oui, tu te fais des sacrés films toi, hein, quand même. Hein. Est-ce que tu crois que c'est possible ça? Bah oui. Mais non, après ils sont renvoyés. Ils viennent. Ils ont des régimes, hein, quand même, les joueurs de foot. Hein. Oh, ils mangent pas n'importe quoi, ils boivent pas n'importe quoi. Pas le coca. Oh, coca, oui, je sais pas trop. Hein. Non, ils boivent de l'eau. De l'eau? Mais ils sont malades. Quand vous les voyez à télé. Ça va, ils ont bonne mine. Oui, ouais, musclés. Ils sont musclés. Est-ce qu'on en... Ils boivent du coca, les joueurs de foot. Tu les as vus, toi, boire du coca? Ils arrivent. Ah, si, j'ai vu, ils boivent des boissons, comme ils jouent, là. C'est peut-être des boissons énergisantes, non? Mais qu'est-ce qu'ils boivent? Ils en boivent 10. Il faut de l'énergie, quand même, hein, pour tenir tout un match. En plus, de mi-temps, en plus. Vous arriveriez, vous, à courir pendant une heure et demie? Non? Non. J'arriverai, moi. Toi, tu arriverais? Ah ouais. Courir jusqu'à 100, hein, sans s'arrêter. Hein. Jusqu'à 100? Ouais. Vous avez déjà un peu de mal à courir sur 10 minutes au collège, alors pour courir pendant une heure et demie. Ouais, j'arrive, moi. Je pense que c'est un peu dur, là. Hein? Ouais, j'arrive. Et puis, si vous aviez le choix, par exemple, si vous faisiez partie d'une équipe de foot, vous aimeriez être où? France. Au but? Arrière, devant, où? Attaquant. Attaquant, toi? Ouais, pareil. L'attaquant. Toi aussi. Pareil. Toi aussi. Et pareil. Toi? Et Steven? En train de piquer la balle. En train de? Piquer la balle. Attaquant? Quoi? Attaquant, ça veut dire que tu essayes de piquer la balle ou sinon... De prendre la balle. Voilà, de prendre la balle ou sinon tu restes au but. Attaquant, voilà. Au but, c'est nul, tu restes là. Au but, c'est nul parce que tu restes là. Ouais, mais t'as quand même une grosse responsabilité, hein, c'est de ne pas laisser le ballon passer. Corinne, l'autre fois, nous, on était dans une équipe avec lui, moi, Nicolas et... Lui, là, non. Christopher, Nicolas, Axel et puis Nathan. Et puis nous, on était chacun dans le but et puis Nathan, il était jamais dans le but. Ah, il n'y avait plus de gardien, alors. Il n'y avait plus de gardien. Ah non, on avait marre, nous. C'était toujours nous qu'on y allait. Moi, je peux être nul au but. Toi, t'aimerais pas être au but? Non, c'est nul. Moi non plus. Moi aussi, je suis nul. À chaque fois, la balle foot, il part de l'autre côté. Bon, allez, pour le foot. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a eu aussi d'important? Dimanche. Il y avait la finale de quoi? De tennis. De tennis, voilà. Alors, qui c'est qui a gagné? Ben, on sait pas, nous, là, le foot. Il y avait pas le foot en même temps. Ouais, il y avait aussi le tennis. Oui, alors, Timothée, qui c'est qui a gagné? Je sais pas, j'ai pas regardé. Ah, t'as pas regardé. Moi aussi, j'en ai réponse pour faire un autre saut. Chez vous, personne n'a regardé. Non, on a le foot. Et Steven, chez toi, on a regardé le tennis dimanche? Moi, j'ai aucun regardé. T'as regardé aucun? Ouais. Oui. Eh ben, moi, j'ai regardé. C'est qui? Ah, c'est qui? Ben, je vous l'ai déjà dit, lundi, c'est qui a gagné? Raphaël? Nadal. Raphaël Nadal, pour la 11e fois. C'est un français? Non, un espagnol. Non, alors personne n'a regardé. Ça vous intéresse pas le tennis? Non, je préfère le foot. Le foot. Préférez le foot. Oui, Steven. Je vais regarder le foot, je vais regarder jeudi et je vais regarder le tennis. Le? Je vais regarder le tennis cet après-midi. Ah, bah voilà. Ah bah, le tennis est passé là, Roland Garros. Hein? Peut-être qu'il y en avait en replay, peut-être. Et puis alors, celui avec qui il a joué, là, dimanche, Raphaël Nadal, celui qui a perdu, il a dit, quand il avait 10 ans, eh ben, il avait regardé Raphaël Nadal à la télé. Il avait 10 ans. Donc, il était tout jeune. Ça veut dire que Raphaël Nadal, il commence à prendre de l'âge. Il commence à être tout petit vieux. Non, c'est pas un petit vieux, hein, mais bon. Il est plus tout jeune, comme joueur de tennis. Hein? Ouais. Donc vous pensez que l'année prochaine, ça va être encore lui qui va gagner? Non, il est vieux, il va être vieux. En maison de retraite. Ouais, tu crois qu'à son âge, on va en maison de retraite? Ah oui, à tes papilles. L'année prochaine, mon ami, l'année prochaine, il travaillera plus là. Ben si, là, je crois qu'il a dit qu'il revenait l'année prochaine. Hein. Donc on verra l'année prochaine ce que ça va donner. Oui. Hein. Oui. Tu peux laisser un message pour le foot là, leur dire s'ils nous appellent, les joueurs de foot. Oui, tu crois qu'ils t'appelleraient? Ah ouais, c'est bien la radio. Bah vas-y, tu peux toujours le dire. Bonne chance l'équipe de France, appelez-nous. Ouais, bonne chance. C'est combien le numéro de la radio? Juliana, tu sais. 03 29 60 40 62 voilà. Ouais. Alors. Bon, pour le foot, le tennis. Ouais. Alors, la dernière fois, il y avait une chanson mystère. Hein, vous vous rappelez, c'était qui? Non, non. Alors, c'était quoi la dernière fois? Je sais pas. C'était Camille. Juliana qui l'avait choisi. C'était? Non, c'était Camille. C'était Camille, ok. Bon. Eh ben oui, c'était Europe, t'as raison. C'était Camille. Et la nouvelle, qui c'est qui l'a choisi? Christopher. Christopher. Alors, c'est la numéro 6. Voilà. Ouais. Allons-y. C'est tous parti. À vos téléphones. Alors, on rappelle le numéro. 03 29 62 40 40. Voilà. Merci. Merci. Et on est parti. On écoute la chanson. Ouais. C'est bon. Youpi. Quand t'es venu dans la rue inconnue, tu savais pas où t'allais, mais tu savais qu'il y avait dans la maison du premier une fille qui était vraiment typique, que tous les voisins appelaient Tainanana. Mon Dieu, quelle histoire et quel ange. Quand elle t'a dit monsieur, essuyez-vous les pieds, vous serez bien gentil, car j'aurai pas à repasser après vous. Mais oui madame. t'es venu dans la rue inconnue, tu ne savais plus tellement comment elle s'appelait. Tout ce qu'on t'avait dit d'elle, c'était les voisins qui t'avaient prévenu qu'elle était vraiment belle. Mon Dieu, quelle courbe, quelle allure, la première fois qu'elle t'a vu dans le patio. Pardon monsieur, essuyez-vous les pieds, comme ça j'aurai pas à repasser la prochaine fois. Merci beaucoup, à demain soir. Voilà, alors, c'était la chanson mystère. Et Christopher. Hein? Après, c'est pas facile à trouver, hein? Mais bon, qui sait, hein? Ah, c'est bien, c'est une chanson d'amoureux. Alors, pour continuer, Timothée, tu enlèves ton casque. Jeu, hein? Tu enlèves ton casque, s'il te plaît, merci. Pour continuer sur le foot, on a fait aussi des pronostics, hein, lundi. Déjà, je vous ai demandé qui arriverait en finale. La France. Alors, Christopher, tu as dit quoi? La France, bien sûr. Contre qui? J'avais dit qui? Ah bah. L'Allemagne, j'avais dit, je crois. Non. Australie? Tu as dit l'Angleterre. Angleterre! Alors, on va demander à Marc si c'est possible que France-Angleterre arrive en finale. On peut pas trop savoir parce qu'il y a des tirages au sort après les poules. Ah. Après les boules. Il y a des tirages au sort. Ah, qui va jouer en finale? Ouais, c'est un peu ça, d'après Marc. Non, donc, enfin, bon, il y a 4 équipes par poule. Il y a 8 poules. Et une fois que les équipes sont sorties de poule, on fait un tirage au sort, donc on ne sait pas qui va rencontrer qui. Ah, voilà. Mais les équipes sont éliminées quand même. Alors, je crois qu'il faut attendre, là. Hein. Non, les équipes sont éliminées quand même à la match de foot. Mais en tout cas, hein, le sondage qu'on avait fait, bien sûr, la France arrivait tout le temps en finale, hein. Mais alors, c'était soit contre l'Allemagne, le Portugal, les États-Unis et les Anglais. On verra, hein, qui aura... Mystère. Même pas un qui a parié sur le Brésil. Oui, alors, le Brésil. Ils sont nuls. Ils sont nuls. Oh, c'est vrai? Ils gagnent jamais. Bah, je te contredis. C'est eux qui ont gagné le plus souvent. Alors... 5 fois. Ah non, ils sont toujours éliminés. Ils ont gagné 5 fois. Oh, on fasse. Puis les Français, on peut les compter les fois qu'ils ont gagné. Hein. Une fois, voilà, en 98, voilà. On avait marqué 3 buts. Alors peut-être que la prochaine fois, on fera ouh, ouh, ouh. Quoi? Mais t'es méchante. Bah non, c'est du jeu, hein, Christopher. Hein, c'est un jeu. Un jeu de foot. Ouais, de foot, ouais. Alors, Roland Garros, on en a parlé, et après, on avait continué sur les infos. Qu'est-ce que vous aviez à dire sur les infos? Qu'est-ce que vous aviez entendu le week-end? Ah, Juliana. Moi, j'ai entendu, il y avait un garçon, il avait dit 17 ans, il est mort. Oui. Il est mort pourquoi, Juliana? Je sais pas. Ah bon, pff. Coup et blessure qu'entraîner la mort. Coup et blessure, qui dit Christopher, c'est ça? Je sais pas. Ah, tu sais pas? Bah, écoute les infos, on sait même pas. Bah, quand on annonce quelque chose, faut essayer de savoir un peu ce qui s'est passé et tout, Juliana. Mais arrête-toi! Christopher. Ouais, dans les infos, moi, hein. Alors, coup et blessure ayant entraîné la mort. Timothée, oh. Au lieu de taper dans tes mains. Est-ce que toi, tu as suivi les infos? Non. Non. Bon. Okay. Et Camille? Non. Et Steven, tu as entendu, toi, ce que Juliana disait, là? Oui. Oui, alors est-ce que tu as entendu ça, toi, à la radio? Ou à la télé? Je sais plus ce qu'ils ont dit. Je sais plus ce qu'ils ont dit. Alors, Christopher, est-ce que tu peux en dire un peu plus? J'ai pas trouvé, mais... Je crois que son amoureuse l'a frappé à un pote. Oui. Ils l'ont tué. Oui. Et là, ils vont juger pour meurtre. Ils sont mineurs, alors, s'ils ont 17 ans. Ah oui, c'est vrai. C'est des mineurs. On peut quand même aller en prison, c'est quand même les mineurs. Oui, c'est grave, hein, quand même. Hein. Mmh. Et mais il est agressé comment, alors? Coup de poing. Non, avec des outils. Avec des outils? On se croit ou pas? C'est pas au couteau? Avec tire. avec des pompons. C'est quoi, pistolets? C'est quoi, des pompons, des flingues. Ouais, des flingues. Non, les pistolets, c'est... Hein, voilà, bon. Alors ça, c'était une info. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? La mission sur Mars. La mission sur Mars. Alors vas-y, raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Il a trouvé une molécule, c'est pas trop le nom, une molécule sur Mars. Timothée, tu veux bien écouter ce qu'il dit? Donc on veut une bactérie sur Mars. Est-ce que tu peux dire, parce qu'il y en a peut-être qui ne savent pas, Mars c'est quoi? Une planète. Une planète, oui. Il n'y a pas de vie. Une planète très ronde. Une planète ronde. Qui est rouge. Oui, on l'appelle aussi la planète rouge, oui. Et il y a souvent des missions, hein, sur Mars. Des drones, tout ça. Oui, des drones. Et qui c'est qui a envoyé la... une sonde, un drone français. Oh, la NASA, c'est où ça, la NASA? En France. C'est en France, la NASA? Non. C'est où, la NASA? Je sais pas. Moi, c'est pour Marc. C'est pas aux États-Unis, ça? Ah, on va demander à Marc. Ben, allez, on demande à Marc. C'est notre dictionnaire, notre encyclopédie. Mais oui, Corinne, tu as raison, c'est bien aux États-Unis. Ben voilà. Donc la NASA a envoyé une sonde, alors ils ont trouvé, tu dis? Une bactérie. Une molécule. Oui. Tu peux poser le casque, s'il te plaît. Une molécule organique. Puis alors, quand ils envoient des sondes, et tout ça, qu'est-ce qu'ils cherchent sur Mars? La vie. Ouais. Alors, est-ce que tu penses qu'un jour, on va aller vivre sur Mars? Ah non, l'air n'est pas bon à respirer. L'air, elle est pas bonne. Soit on va faire une base sur Mars, je sais pas. Une base? Parce que l'air, on peut pas la respirer. Sinon, on prend notre détente et on va là-bas. Ben, si, il faut une base, alors fermée et tout, avec de l'oxygène, donc on pourrait y aller. Ah oui. Oui. On a du temps à construire. Ça prendrait... Ah ben oui, il faut du temps, oui. Mais si un jour, par exemple, la vie sur Terre n'est plus possible... Il y a peut-être des gens qui vont aller vivre sur Mars. Oui. On prend l'IME et on va là-bas aussi, l'IME. T'emmènes l'IME sur Mars? Ah, des petits hommes verts. Tu crois qu'il y a des petits hommes verts, toi? Non. Qui c'est qui croit ça, qu'il y a des petits hommes verts sur Mars? Les Timothée? Hommes verts? Oui. Le chauffeur, il dit qu'il y a des petits hommes verts. Les petits hommes verts, les ovnis, hein? Les martiens? T'as déjà vu un ovni? Non. Non? Est-ce que vous croyez qu'on pourrait aller tous sur Mars? Non. Non. Il y aura trop de monde. Il y aura trop de monde? Puis je pense que les billets seront chers aussi, hein. 1 million d'euros. Bon, ça, les tarifs, on sait pas, mais je pense que c'est cher. 100 euros. Hein, pour 100 aller... euros? Non, 1000. 100 euros pour 1000. Aller sur 1000. Mars. 1000. Et pronostic déjà. C'est bon alors pour Mars, Christopher, ou tu veux ajouter autre chose? Non, c'est bon. C'est bon? Ensuite, qu'est-ce que vous aviez dit? Je sais pas. 2 jours après, vous vous rappelez pas grand-chose quand même, hein? On n'a pas parlé... Qui c'est qui a parlé de la SNCF? Ah, bah alors encore Christopher, vas-y. Qu'est-ce qui se passe là? Pour la grève. Oui, pourquoi ils font la grève? Parce qu'ils sont pas assez payés. Ils sont pas assez payés? Ouais. Je sais pas trop pourquoi ils font la grève. Marc, pourquoi ils font la grève? Tu t'es pas intéressé pourquoi ils font la grève? Attends, demande à Marc. C'est peut-être parce qu'ils sont en train de revoir leur statut, je crois. Non, attends, on va demander à Marc. Ah bah allez, on demande à Marc alors. Marc, c'est la Bible. Oui, il n'y a pas qu'une question de salaire. C'est le... l'État qui veut, qui risque de privatiser, de vendre la SNCF. Ouais. Ouais. Ah, t'as entendu? Oui. Ouais. Alors, est-ce que vous pensez que qu'ils vont avoir gain de cause, qu'ils vont gagner la SNCF? Qui? La SNCF. Ça veut dire quoi, SNCF? Les trains. Non, SNCF. Les bus. SNCF. Société Nationale. Transport. Les chemins de fer. Ah, les trains, j'ai dit les trains. Les trains, oui, les trains. Timothée, arrête de tripoter... Le fil. Oui, alors, est-ce qu'ils vont gagner? Bon. Bah oui. Ils vont gagner. Ouais, c'est le CF. Est-ce qu'il y a autant de monde qui fait grève qu'au début? Ouais, beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Ouais. Mais est-ce qu'il y en a autant qu'au début? Non. Non. Pourquoi? Parce que... Les gens qui font grève, là, est-ce qu'ils sont payés? Non. Non. Si, ils sont payés, mais ils ont un peu perdu d'argent. Ils sont payés quand même quand ils font grève? Ben oui. Mais comment ils payent l'électricité? Bah non, les gens qui font grève, ils sont pas payés, Christopher. Mais si, ils sont payés, j'ai vu ça dans les reportages. Bah, t'es pas sur ton lieu de travail, tu vas pas être payé. Ben si, ils vont sur le lieu de travail. Ah, ils sont payés pour faire grève. Non, mais il y a certains trains qui marchent encore. Oui, mais je pense qu'il y a toujours une astreinte, un truc comme ça, une obligation d'être, de faire un circuit minimum. Mais en même temps, ceux qui sont en grève ne sont pas payés. Ils sont payés. C'est pour ça, imagine, sur 30 jours dans le mois, la moitié du mois, ils sont en grève. Eh bien, le salaire, Donc, ben, y en a qui ne peuvent pas faire grève tout le temps, parce qu'ils ont aussi une famille à faire vivre. Ah, oui. Et s'ils n'ont pas de revenus? Et s'il se passe? Si on n'a pas de sous? On est viré de chez nous. On est viré de chez nous. Il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'eau. Ah bon, on peut pas honorer les factures, oui. On peut pas faire les courses. On est pauvre. On est pauvre. À la rue. Oh là là, non. Tu peux te redresser. On n'a pas de vêtements. Les sociales, ils vont venir prendre tous tes meubles. Non, les gosses. Tous les enfants, tous les enfants. Meubles. Les gosses. Les enfants, ils vont aller dans un foyer. Oh, mais là, vous êtes dans les extrêmes, hein, quand même. Hein. Moi, je pense que tu as dû regarder la télé hier soir, Juliana, non? Non. Ouais. Mmh. J'ai rien regardé. Ouais. Bon, alors, SNCF, c'est bon, alors? Oui. Et Marc, il va venir nous sauver après. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de trains qui roulent? Non, oui, pas non. Beaucoup. T'avais dit quoi, Christopher? 2 trains sur 5. Ouais. À peu près, c'est ça, oui. Mmh. Suivant si c'est des TER, des TGV, ouais. Ça dépend, hein. Ensuite, vous aviez parlé de quoi? Je sais pas. Les agriculteurs. Ils sont en colère. Pourquoi? Ils bloquent les trucs d'essence, les raffineries. Ah ouais. Oui. Pourquoi? Parce que... Il y a eu des pannes. Il y a eu des pannes. Non, de l'huile. De l'huile de panne, panne, oui. Alors livrée. Qu'est-ce qui est importé par qui? La France. Oui. Il y a certains des États-Unis qui ramènent de l'huile de panne. Il y a de l'importation de l'huile de palme, donc ça leur fait tort par rapport à leur production. Et puis il y a Total, je crois, qui va produire, je ne sais plus comment ça s'appelle, pour mettre dans les moteurs, enfin bref, qui va... L'essence. Tu sais, Marc? La raffinerie, l'essence. Bah, c'est des carburants à base de végétaux. Alors en France, les paysans ont du colza avec lequel on peut faire de l'essence. Oui. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas contents, qu'ils utilisent l'huile de palme qui vient de l'étranger, alors que nous, en France, on a du colza. Voilà. Alors, est-ce que vous avez suivi un peu les infos? Est-ce que les agriculteurs, aujourd'hui, continuent à bloquer les raffineries? Je n'ai même pas regardé. T'as pas regardé? Non, je ne sais pas. Ils ont arrêté? Non. Oui. Je sais pas, je vais pas regarder. Steven? Non plus. Oh bah dis donc, est-ce que tu as regardé les infos hier? Oui, un peu. Oui, alors est-ce que, Timothée, je sens que je vais te faire sortir. Est-ce que tu joues avec le fil du micro? Tu embêtes Christopher, mais tu n'écoutes pas ce qu'on dit. Oui, alors, Steven, tu as regardé hier? Un peu? Oui. Est-ce que les agriculteurs bloquent encore les raffineries? Ah oui? Non. C'est fou, il suffit de vous regarder et puis avoir une autre réponse. Voici. Bah, si. Je vais pas regarder. Non. Alors, si, Timothée, tu te redresses, c'est pas l'heure de dormir. Redresse-toi. Ouais, ouais. Un doudou. Ben, je vais poser une question à Timothée. Timothée, à ton avis, si les agriculteurs continuent à bloquer les raffineries, hein, c'est là où il y a les stocks d'essence, s'ils continuent à bloquer les raffineries, qu'est-ce qui va se passer? Plus d'essence partout. J'ai dit Timothée. Ah mince. Vas-y, Timothée. plus d'essence. Oui. Ça veut dire que tu pourras, tes parents, ils pourront plus aller chercher de l'essence ici et là pour mettre dans leur voiture. Et alors, qu'est-ce qui peut se passer quand on n'a plus d'essence dans notre voiture? On ne peut plus rouler, on ne peut plus aller au boulot. Tu prends un vélo, tu vas. Du coup, Corinne n'y pourra plus aller en vélo, oui. En trottinette. Du coup, on ne pourra plus aller à l'IME si un jour ça passe. En trottinette. Ah bah oui. Non, en vélo, à l'IME. Toi, tu viendras en vélo? Moi aussi avec mon vélo. J'irai chercher. J'ai recherché ceux qui sont dans mon taxi. Puis t'as un peu de place. Mais si. Je te prends un vélo grand. Je vais partir sur moi, il faut y voir. Alors, s'il n'y a plus d'essence, donc ça peut bloquer le pays. Il y a partout des raffineries. Bah, oui, mais si elles sont bloquées, ça veut dire qu'après Leclerc, Cora, enfin toutes les stations, Total, machin, tout est bloqué puisqu'ils n'auront plus d'essence. Mais t'as des bitons d'essence. Mais s'il n'y en a plus dans les stations. Mais non, ils ont rempli avant des bitons d'essence et voilà. T'en remplis 20, tu les laisses au. Oui, mais après, une fois que tu as utilisé tes bidons et qu'il n'y en a plus dans les stations, comment tu fais? Non, tu prends tes 20. Tes 20 quoi? 20 bidons. 20 bidons, tu les caches. Oui, mais une fois que tu les as utilisés, tu fais quoi? Mais je sais pas, moi. Rien. Est-ce que vous auriez le courage de venir tous les jours à l'IME, de repartir le soir en vélo? Oui. Ah ouais, en vélo. Oui. Oui. Ah ouais. Oui. Pas une voiture sur les routes. Oh bah, moi, j'ai plus d'essence. En trottinette, hein. On vient en trottinette. En vélo. Attends, t'arrives. Ah, attendez, on écoute Steven. Tu veux fabriquer l'essence? Fabriquer l'essence? Ah non, moi j'ai pas les moyens de fabriquer de l'essence. Tu hein. Mets du chocolat dedans. Moi j'ai plus d'essence, je reste chez moi. Et puis nous, on ira tout seul, nous. On sera tout seul, on prend les métiers. Non mais je pense que vous ne seriez pas non plus à l'IME, les éducateurs ils pourraient plus venir, enfin il n'y a plus personne qui pourrait se déplacer. Mais à moi, part j'ai un si vélo. On est tout prêt, en vélo. Alors que ça, on pourra faire des fêtes si on va pas y me. Fera des fêtes où? C'est nous. Boire du coca. Boire de l'alcool. Oui, c'est bon. Fumer. Alors, c'est bon, là, pour l'essence, oui. Les agriculteurs. Oui, madame. Oui. Ah, donc, vous essayerez de suivre un petit peu comment ça se passe. Et puis, la semaine prochaine, vous direz si les agriculteurs continuent à bloquer ou pas. Oui, Timothée. Et aux infos, ils disent que 3 chevaux, ils sont morts. Ah, Timothée, 3 chevaux. 3 chevaux. Un cheval, des chevaux. Alors, 3 chevaux sont morts. À cause de... L'éclair. De l'éclair. Christopher, j'aimerais que tu le laisses parler. À cause de l'éclair. De l'éclair. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient où, les chevaux, là? Dans le parc. Ouais, ils étaient dans un parc. Il y a eu la foudre. Ouais, et la foudre, elle est tombée simultanément. Bah, les 3 chevaux ont été pris. Mais s'ils ne seraient pas mouillés. S'ils n'étaient pas mouillés. Bah, écoute, il devait y avoir le terrain aussi qui devait être mouillé. Enfin, ils sont morts les 3 en même temps. C'était des chevaux qui étaient en retraite. Ça veut dire qu'ils ne travaillaient plus. Ah bah quelle retraite, hein? Les pauvres. Bien, Timothée, pour l'info. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait eu d'autre? Bon, bah ils sont muets, alors on va passer une chanson, le temps qu'ils retrouvent leur... Eh ben, comme leur tu veux, normal. Marc, tu mets celle que tu veux. Pour que vive la musique au fond, pas de saison pour que vive le monde, musique américaine, la cadence du funk au plus haut domaine. Le tempo en délire, si ce soir il fait chaud, c'est qu'on monte nos mains vers le point le plus haut. Dans un placard des idées noires, les notes pourront se danser et nous reviendrons les chanter. Quand le sucre est tombé, choqué, le café renversé, je sentais bien que la journée était mal commencée. Putain, la caisse était cassée avant que craque l'écran, mettant la gomme, j'avais détalé. La musique était mon sourire, les vieux succès, mes souvenirs, on sent tous son dernier soupir lorsqu'on va mourir. Mais un souffle j'avais gardé car on ne peut pas trépasser, chacun le sait. Ça va le jockey et du chant. Danse jusqu'au bout de la nuit, tes flashs en musique funky. Il y a la basse qui frappe et la guitare qui choque. Il y a le batteur qui s'éclate et toi qui tiens le choc. Et tu chantes, chantes, chantes ce refrain qui te plaît. Et tu tapes, tapes, tapes, c'est ta façon d'aimer. Ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit. Réveille en toi le tourbillon d'un vent de folie. Voilà. Bah dis donc, vous la connaissez la chanson là, hein? Pourtant, oui. Ça date pas d'hier, c'est les années 80, ça. Peut-être vos parents qui écoutent ça. Oui. Hein? Oui. Ça vous connaissez. Oui. Hein? Oui. Alors la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on fait jeudi prochain? Vous pouvez peut-être en parler. Le roulant marchons. Oui, roulant marchons. On va marcher. On va marcher, trottinette ou vélo. Oui, alors ça se passe où? À la Voie Verte. À la Voie Verte. Et c'est jeudi. Oui. Hein, vous êtes content? Ah ouais. Ben, on va quand même espérer qu'il fasse beau. Hein. Ah ouais, qu'il fait pas beau. On va manger où le midi? Ben, à Saulsure. C'est un peu comme les autres années. À Saulsure. Hein. Ouais, à Saulsure. Pique-nique. Pique-nique, ouais. Et l'après-midi. Et tout ça. Et l'après-midi, ben, Corinne? Ceux qui peuvent revenir en vélo, c'est bien. Moi, ceux moi. Qui peuvent revenir à pied. Mais attendez, hein, c'est encore pas sûr qu'il y ait des vélos, parce qu'il faudra certainement en louer. Il n'y aura pas faire. Assez pour tout le monde, donc s'il n'y a pas Folie. De vélo, si on ne peut pas louer de vélo, eh ben, ça sera à pied. Tout le monde à pied. Ben voilà. Ben voilà. Une grande et toi, alors, Timothée, tu emmènes ta trottinette? Ben oui. Oui, parce que si tu ne l'emmènes pas, il n'y en a pas à l'IME. Hein. Donc ça veut dire que jeudi prochain, il faut que tu penses. À c'est, la préparer. C'est une trottinette bleue que j'ai. Ouais, et puis tu la mets dans une grosse roue. Hein. Tu la mets dans le taxi le matin, hein, pour pas l'oublier. Mmh. Voilà. Tu crois que tu arriveras à faire 4 km? Bah oui. Bah oui. Bah oui. Non, mais c'est avec bien. Avec ma trottinette, ça ira. Avec ta trottinette, ça ira. Mmh. Bon, alors jeudi prochain, c'est ça. Ouais. Hein. Puis qu'est-ce qu'il y a d'autre encore de prévu? Europa Park. Tu peux enlever ta main. Europa Park. Europa Park, c'est quand Europa Park? Le 4 juillet. Ouais, alors le 4 juillet, ça tombe quoi? Un mercredi. Oui, donc le jour-là, ben, on ne pourra pas venir à la radio. Marc, ça va tout seul. On le redira à Marc d'ici là, hein, le 4 oui. juillet. Oui. Donc on va avec qui, tu disais, Juliana? Avec le collège du Toli. Voilà, c'est une sortie avec le collège du Toli, c'est bien ça quand même. Hein. Ouais. Alors, est-ce qu'on part de tôt? Oui. Oui. Il faut qu'on soit à 6h à l'IME et le bus il part à 7h. Le bus il part à 7h du collège. Alors le jour-là, il va falloir se lever de bonne heure. Hein. Oui. Journée matin. Ouais. Et vous allez rentrer à 9h. C'est ça. À 8h. Ouais. Vers 9h le soir. Hein. Oh. À peu près. Mais on mangera où le soir? Là-bas. Ah bah le soir, bon, vous mangerez pas. Si. Oh non, on a rien mangé. Si. Alors. Peut-être prévoir un petit encas hein, quand même. Hein. Ouais, je vais faire moi-même mon encas. Tu fais toi-même ton encas. Moi aussi, je fais moi-même mon encas. Toi, t'as prévu de faire tes casse-croûtes chez toi alors. J'ai pas de. J'ai moi, je vais bien dormir ce matin. T'as quoi? Moi, je vais bien dormir. Hein. Quand? Bah, quand. Quand on ira au papa? Oui. Ah, le soir, tu vas être fatigué. Ah oui, je vais faire. Bah oui, hein. Et je vais être fatiguée. Oh, on va la mettre dans la tête fille. Vous croyez que vous arriverez à vous lever le lendemain? Non. Ah oh non, on va être fatiguée. Ah non, je crois qu'on pourra pas. Je crois qu'on n'arrivera jamais à se lever. Vous n'arrivez pas à vous lever? Non. On va rester là, dans le lit. Non, non, non. Vous en aurez plein les jambes et plein la tête. Ouais. Vous auriez vu tellement de choses la journée, là. Mmh. Hein? Ouais, comme ça. On pensera que ça. Vous penserez qu'à ça? On rêvera plus par repas part. Ouais, je suis dormi. On va aller à repas part. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comme annonce encore? Voilà, on est à repas part. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Sylvain, tu peux écouter ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à annoncer? Je sais pas. Europa Park. Europa Park, c'est fini. La fête de fin d'année à l'IME le mardi 17. C'est ça? 17. 17 ouais. Juillet. Et Marc est invité. Oh, tant pis. Marc est invité. Alors, qu'est-ce qu'il y a cette journée-là? On danse. Et du barbecue pour ta musique. C'est un gros barbecue, oui. Et on danse. Vous dansez, toi tu vas danser devant tout le monde? Ouais, c'est de la musique, on danse. Moi aussi. Il y aura des animations. On danse. On met sur la rap et sa canard. Ça. Donc alors, qui est-ce qu'on a invité pour cette journée? Tauf Blanc. Les parents. Parents, alors, famille d'accueil. Alors toutes ces personnes, on appelle des partenaires. Oui. C'est tous les partenaires. Tauf Blanc. C'est cool Marc que tu viennes. Oui, Corinne, on invite. Attends, il n'a pas répondu Marc encore. Oh, Marc, il est invité, mais on ne sait pas pour l'instant. Marc. Après? On invite les familles d'accueil, les nounous. Les nounous. J'ai des familles d'accueil. Oui. Des petits nounous. Les parents. Les parents, bah, c'est important les parents quand même. Ouais, les parents. Même si on vient avec toute la famille. Bah pas trop non plus, Juliana. Ça n'a pas de place. Et puis Les cousins. La famille de Bilal. Les cousines, les sœurs, les frères. Bon, les parents, les frères tata, et sœurs, c'est déjà pas mal. Hein, les chiens, les chats, non. Les tatas, les mémés, non. Les pierres, les est-ce que vous êtes content qu'il y ait des journées comme les ça? Oui, ah oui, c'est très beau. On peut être avec les grands, on peut tous se réunir. Si vous parlez tous en même temps, on s'entend pas. Hein. On peut tous se réunir. On va réunir les pirates aussi. Hein. Quels pirates? Hein? Et les mémés et les pépés. Attends. Les pirates. Vas-y, répète, Timothée. Les pirates. Les pirates. On se déguise en pirates. Ouais, on se déguise en pirates, et puis... Ok, on pourra se faire des combats d'épée, alors. Non, on se déguise tous en pirates. Hein. Corinne. Mais pourquoi, Timothée? Même les mémés, les pépés, les... Corinne, on invitera les mémés, les pépés. Oui, bah c'est bon, parce que là, ça devient... Hey, Corinne. On pourra inviter les chauffeurs de taxi. J'ai un as parlé. Ouais. Écoute, si les chauffeurs de taxi sont invités, je pense qu'ils ont un courrier. S'ils n'ont pas, c'est que... Ils ne sont pas invités. Bah non, voilà. C'est comme ça. Hein. Et Corinne, s'il fait beau, ses amis. Alors, s'il ne fait pas beau, on viendra chez toi. Et bah voilà. On ne fera pas s'il ne fait pas beau. Bah si, mais je pense qu'il faudra manger à l'intérieur. Oui, faire à l'intérieur. S'il pleut... On verra bien d'ici là, mais c'est vrai que cette année, la météo est capricieuse, hein. D'un jour à l'autre, il flotte. Soleil, pluie. Voilà. C'est un peu le désastre. C'est le désastre? Ouais. Ça vient de quoi, à ton avis? Le désastre pour Timothée Sarton et Christophe. Comme ça, tu peux écouter. Comme dimanche, il a fait chaud. Oh. Oui. Que dimanche, il a fait très chaud. Ça a un peu fait un peu de froid. Oui. Samedi, il a pas fait trop beau, la pluie. Dimanche, il a fait très beau. Lundi, il a pas fait beau. Mardi, il a pas fait beau. Là, mercredi, mais il fait beau. À votre avis, ça vient de quoi qu'on ait une météo comme ça? En fait, c'est la chaleur qu'il y a raison, Christophe. Quand il fait trop chaud, chaud, chaud, il y a de l'orage. Oui. Ça vient pas du réchauffement climatique, tout ça? Si, oui, la pollution, tout ça. La pollution, oui. Faut en prendre soin de notre planète, hein. Oui, Corinne. Ouais, oui. Allez, on refait la pause avec la chanson de... Je crois que c'était Timothée. Oui, la numéro 9. Thierry Hazard, le Jerk. Voilà, la chanson de Timothée. Ah, c'était du rock'n'roll. Roger, quand il rencontre Joséphine, alors j'ai joué des... Oui, alors il y a des prénoms qui sont sortis, là. Alors, vous aviez une dédicace. Joséphine. Joséphine. Angéline. Voilà. La secrétaire est toujours au téléphone, c'est pour elle. Voilà. Donc vous la dédicaciez à Angéline. Angéline, oui. Et puis on a entendu qui, c'est comme prénom. Joséphine. Alors c'est qui ça, Roger? Celle que... Ça vous rappelle qui? Joséphine qui arrête des problèmes, non, là. Non, non. Pas Joséphine, Roger. Voilà, c'était un... Un chef. Un le chef. Le chef de service. Non. Un éducateur, Roger. Ouais. Vous vous rappelez? Oui. Oui, pas trop. Non. Non. Roger. C'est qui, Roger? Timothée, c'est un nom. Un nom commun. C'est qui, Roger? Ben, c'était un éducateur. Allié, me vous rappelez plus? Non. Ouais, pas de Roger. Il était comment? Il était comment? Bah, il était normal. De taille, oui. Moyenne. Voilà, de taille moyenne. Roger. Souvent barbu. Roger. Vous rappelez pas de Roger? Non. Non. Ouais. Non. Ouais. Roger. Faudrait peut-être faire de temps en temps des petits jeux de mémoire, hein, pour faire travailler... Ça veut dire, moi, je pars dans 6 mois, vous vous rappelez même plus que j'ai travaillé à l'IME. Hein, c'est qui, ça, Corinne? C'est qui? Ils vont parler à la radio, ils vont dire, c'est, vous l'avez cassé à Corinne. Et c'est qui, Corinne? Mais je la connais pas, mais Corinne. Vous vous rappelez quand même un peu de gens qui sont partis, là? Non. Personne. Tous ceux qui partent, vous les oubliez vite. C'est... Y a pas quelqu'un qui vous a marqué, là, qui est parti de l'IME, non? Oui, Eric. À Timothée, vas-y. Mon ancien chauffeur. Ah oui, Pascal. Ça c'est le chauffeur. Pascal de. Mais est-ce que tu te rappelles d'un éducateur, d'une éducatrice qui est partie, ou même quelqu'un de la direction? Madame. Ah, je sais plus. Madame Labrousse. Voilà. Ah, bah oui, ça c'est récent, c'est Evelyne, sûr. Hein. Evelyne. Evelyne, l'ancienne secrétaire. Tu sais pas. Camille, est-ce que tu te rappelles de quelqu'un? Super. Et Steven? Madame Leonardi. Bien. La directrice, oui. Directrice générale maintenant, hein. Un beau poste, hein. Qui remporte bien des sous. Steven, tu te rappelles, toi, de quelqu'un qui est parti? Non, c'est Brooke. Qui? Alors. Et toi? Moi? C'est un nom pas facile à prononcer. Ah, Madame Swartenbrooks. Ah oui, mais elle n'est pas partie, elle est encore là, Steven. Ah. Et toi? Bah, moi, je me rappelle de Marilyn. Marilyn? Oui. Evelyne? Vous ne vous rappelez pas Evelyne? De Marilyn? Non. Ah. Evelyne? Bah, Marie-Jeanne aussi. Ah oui, Marie-Jeanne, oui. Marie-Jeanne, oui. Oui, tu te rappelles? Monsieur Bally, Monsieur Moreau. Monsieur Moreau. Oui. Le docteur Conroe. Hein? Rachel. Hein? Bon, bah super, hein, on sent... Et c'est oui, qui, Rachel? Evelyne. Qui? Evelyne. Evelyne, oui, ça a été dit, Evelyne. Ah. Bah, ce serait bien, une fois qu'on fasse un... Gérard. Gérard, oui. Gérard, aussi, je me rappelle. Bah, dis donc, hein. Bah, oui, et il y avait Christine Gérard. Aussi, Christine, vous vous rappelez, Christine? Non. La psychologue, là? La psychologue. C'est ah non, Christine, elle était éducatrice. C'est qui, Christine? Éducatrice, qui était au CIFPRO. Non. Non, vous vous rappelez pas? Non. Thérèse. Oui. Hein. Ah, si, j'avais. Bah, une fois, on fera un petit jeu, Aliéme, là-dessus, hein, pour vous plus faire revenir un peu la mémoire, là. On a couru. Ah, bah, justement, sans photos. Oui. Pour faire travailler la mémoire. C'est bien de se rappeler un petit peu des gens. Non. Non, tu ne pas que c'est important. Rien, moi, des gens qui sont morts. Bah, c'est dommage, hein. Et on fera ça aussi avec des enfants qui sont partis. Frédéric. Frédéric, c'est un éducateur. Qui est parti à la masse du Tolly. L'enfant, Frédéric. Ah oui, mais ça, c'est récent. Hein, ah, ouais, ouais, vous avez un peu facile, avec là. Avec qui, les enfants qui sont partis? Bah, il y en a plein qui sont partis. Exemple, Samuel. Fabien, Émilien. Oui. Nathan Turia. Jérôme. Ouais. Bah, on comptera les points, hein. Voir ce qui est encore là. Edita. La matière grise, hein, Timothée. Edita. Oui. Laurine. Ouais. Ah, bah, tu vois, ça revient, ça y est. Il suffit d'en parler, hein. Bon, bah, écoutez, il va falloir quand même se dire au revoir. Alors, personne n'a trouvé apparemment un chanson mystère, puisque Il n'y a pas eu d'appel. Moi, je pense que vous mettez des chansons trop dures, hein. Ouais, on est. Pas des chansons de musique de jeunes. Il faut mettre des chansons de jeunes. Ouais. Ouais, tu crois que ça marche mieux? Ah ouais. On devrait signer un jour. Ouais. Bah, moi, je risque pas de trouver, en tout cas. Hein. Je suis pas trop au fait avec les chansons de jeunes. Hein. Hein? Tu trouverais facile. Ouais. Alors, on dit au revoir tout doucement. Et au revoir. On se retrouve la semaine prochaine avec Nathan. Bonne fête des pères. Et bonne fête à tous les papas ce dimanche. Ce dimanche. Au revoir. Bien. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.